Bon, certains trouvaient que nous n'étions pas mûrs pour la démocratie. Nous voyons aujourd'hui de quoi on avait peur. Parce que c'était une bombe qu'on lançait dans le monde. Et en Afrique, c'était une bombe. On peut s'interroger sur la présence d'un prêtre à la tête des travaux de la Conférence nationale.